Bonjour à tous, bienvenue sur les projets du web, le podcast audio qui parle de l'actualité des projets et innovations du web. Nous sommes le mercredi 16 février 2011 et c'est l'épisode numéro 22. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 22e épisode des Projets du Web avec un tout nouveau jingle qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Mais enfin voilà, ça change un peu, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pour changer un peu la note d'entrée du podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie de William et de Lucas comme d'habitude. Comment ça va les mecs ? Salut ! Mais moi ça va nickel et vous ? Bah très bien, les vacances qui approchent, beaucoup de boulot mais... Vacances, je ne connais plus ce mot. Parle pas de vacances, parle pas des choses qui fâchent. Je suis le seul ici à avoir des vacances dans une semaine. Exactement. C'est génial. Bon. Les prochaines vacances sont en été, donc... Ah non, moi ça va ça en mars. Non, bah, je penserai à vous sur les pistes de ski, c'est, c'est pas mal. Je vous enverrai on va parler du podcast un petit peu. Ok, on retourne au podcast. Donc, aujourd'hui, pas mal de choses de prévues. Ça fait longtemps, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une émission normale. Enfin, normale. On n'en a pas fait cette année encore d'émission normale. C'est ça. Si, le 6 janvier 2011, c'était le numéro 21. Mais c'était le Back to 2010 et... Voilà, c'était ouais. Pas vraiment un épisode normal. On est d'accord. Donc, pas d'émission depuis la rentrée qui fait appel à l'actualité, au projet qu'on a trouvé sur la toile. Donc, c'est l'occasion de rattraper un petit peu notre retard. Et du coup, bah, on va commencer tout de suite avec la section actualité. Alors, je vais commencer tout de suite. Mais t'as fait plein de jingles, je remarque quand même. Ah, mais oui, j'ai tout changé. non, mais c'est histoire de... Parce que ça ne correspondait plus, du coup. Il y avait un décalage entre les transitions et les jingles d'intro fin. Du coup, voilà, je me suis dit, je vais tout faire d'un coup. Si vous arrivez d'ailleurs à reconnaître l'artiste, parce que c'est des samples, en fait, que j'ai pris de morceaux connus, qui commencent à être un peu connus, je pense que The Bully pourrait retrouver. Si vous retrouvez, vous gagnerez quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, je viens de le décider, mais ça peut être drôle. Donc essayez de nous dire dans les commentaires ou sur Twitter ou où vous voulez d'où sont tirés ces petits sons. Voilà. Donc pour en revenir à l'actualité, moi je vais vous parler de quelque chose. En fait, ce n'est pas du tout d'actualité, enfin, c'est plus d'actualité, je pense. Ça fait pas mal de temps que c'est paru sur Internet. Mais en fait, c'est Google qui a sorti. Une petite page sur son site pour présenter, pour encore vanter les mérites de ces différents outils, en fait. Et ça s'appelle, c'est google.com/weddings, donc mariage. Et en fait, c'est pour expliquer comment tous les outils de Google peuvent vous aider à planifier votre mariage. Alors, très simplement, il vous présente... différents outils et comment vous pouvez les utiliser dans un contexte de mariage. Donc en gros, ils vous parlent de Google Sites qui vous permet donc de créer des sites internet. Mais là, ils disent que ça serait pas mal pour créer un site et partager du contenu, de l'information avec éventuellement les invités du mariage, par exemple, la famille, etc. Ils parlent aussi de Picnic. Alors Picnic, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est, mais c'est un éditeur de photos en gros. C'est un site web qui a été racheté par Google en mars dernier. Je sais pas, enfin, je l'ai jamais vraiment essayé, mais en gros, ils disent que vous pouvez créer des cartes, des cartons d'invitation, etc. Donc ça peut être pas mal aussi dans la même logique de votre mariage. Pareil, Google Docs pour gérer tout ce qui est budget avec les tableurs, faire des graphiques, etc. Et Picasa pour partager les photos avec les amis et la famille. Alors, moi, il y a quelque chose quand même qui me paraît un peu étrange dans cette idée, c'est que Google possède quand même énormément d'outils. Bon, là, ils en ont présenté quelques-uns qui s'adaptaient à un cas particulier. Pourquoi pourquoi cette idée du mariage, pourquoi ce concept-là, ça pourrait s'appliquer à tant de choses. Enfin, on sait très bien que l'ensemble de leurs outils peuvent servir à des milliards, enfin une infinité de choses dans différents contextes. Pourquoi cette idée-là? Pourquoi essayer de prouver ça, j'ai pas bien compris. Et puis une autre petite chose avant de laisser la parole à mes co-animateurs qui vont peut-être pouvoir m'expliquer. Mais il y a un outil quand même qui est pas présent et ça me dérange un peu. Où est Google Wave, quoi? Alors, je vais commencer par te répondre. Je vais couper William. Hein. J'hésite pas. Vas-y. Je pense que ouais, là, le truc Google Weddings, je pense qu'avec, tu peux te permettre de faire des trucs pour plein d'autres événements, mais c'est vrai que les mariages en général ça fait rêver. Donc, un truc que tu peux faire avec un mariage, ça fait, je pense, une meilleure pub que s'ils avaient fait Google Baptême, quoi. Non, mais je suis d'accord, mais ils ont rien fait de particulier. Ils ont juste dit. Ouais, ils ont juste montré en gros un cas concret pour dire voilà, ouais. Ça leur fait une vitrine quand même pour tout leur site, je pense. Tout leur site, ils en présentent. Enfin, non, tout leur site. Pardon, j'extrapole un peu, mais pour les 4-5 services qu'ils présentent. Ça leur montre une utilité aux 4-5 services qu'ils présentent pour les gens qui ne voyaient pas vraiment l'intérêt, par exemple. Je suis d'accord, mais je pense qu'ils auraient... Enfin, moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas vraiment l'exemple qui exploite au maximum toutes les capacités des services Google. Ils ont une quantité de services tellement impressionnants et divers et variés que je pense qu'ils auraient pu faire autre chose ou voir carrément... les connaissants, ils en seraient capables de faire peut-être un site qui dit bah, tenez, vous avez une liste de choses que vous faites dans la vie, sélectionnez un truc, donc peut-être entre autres le mariage. Quand on sélectionne dessus, on tombe sur la page du mariage et ils expliquent comment les outils peuvent répondre à cette solution là. Mais ça aurait pu être la prochaine étape, hein. Ouais, bah, éventuellement, mais ça c'est une solution qui pourrait être super intéressante de dire bah, tiens, moi j'ai telle problématique. Comment les différents outils de Google peuvent être utilisés pour répondre à cette problématique. Mais là, je pense que c'est quand même une vitrine pour les gens qui ne connaissent pas, pour qui Google, c'est juste un moteur de recherche. Ça leur permet de voir qu'il y a autre chose, ça peut servir à autre chose. C'est une ouverture vers un truc. Toi, tu n'as pas besoin d'un site comme ça, tu connais les services, tu sais t'en servir. Effectivement, mais du coup, c'est quand même très restreint de prendre ce côté mariage. Je pense qu'ils auraient largement de quoi faire pour présenter plusieurs cas pratiques dans lesquels tous leurs outils répondent à une seule et même solution. Plusieurs cas dans lesquels leurs différents services répondent à une solution précise. On se comprend là-dessus. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça ne me choque pas que ce soit juste là qui présente 4-5 services. Ça permet de faire une belle petite vitrine, le mariage ça fait rêver, c'est bien, et puis voilà quoi. Ça me choque pas particulièrement. Ça permet d'ouvrir sur autre chose, sûrement. Maintenant, les gens qui vont tomber là-dessus, peut-être par hasard, se rendront compte que finalement, il y a autre chose, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est... Enfin bon, après, non, mais ça me choque absolument pas. C'est pas mauvais ni rien. C'est juste que, est-ce que c'est la meilleure des idées? Est-ce que c'est là où on voit vraiment tout le potentiel des outils de Google? J'en suis pas sûr. Je pense qu'ils auraient pu, quitte à prendre un seul cas, ils auraient pu en trouver un qui utilisait peut-être plus de leurs outils et les exploiter plus profondément que cette simple idée du mariage. Mais bon, c'est... Enfin voilà, c'est juste... Le seul... Ouais, vas-y, attends, finis, pardon. Mais continue. Okay. Le seul problème pour moi, par contre, c'est que quand tu tapes mariage dans Google, je viens de tester, c'est pas le premier lien. Donc finalement, ça sert à rien. C'est pas faux. D'ailleurs, c'est le combienième lien? Tu arrives à... Pas sur la première page, en tout cas. D'accord. Oui, il faut taper Google mariage, quoi, je pense. Je vais tester, je te dis tout de suite. Je veux bien que tu me dises ça. Est-ce que tu avais autre chose à préciser? Eh ben non. Non, quand même pas. Même avec Google mariage, j'ai pas dans la première page. D'accord, donc... Ah, mais aussi, oui, non, mais le site est anglais, donc... Ah oui, c'est pas faux. Mariage, ah oui, ça va marcher. Pardon. Ok, donc il y a plusieurs... Enfin, bref, moi je pense qu'effectivement ce qui pourrait être intéressant, c'est quand même l'idée que je disais, et ça je pense que ça pourrait être en fait même carrément intéressant. D'ailleurs, si vous voulez monter ce site, ben montez-le. Un site qui en fait utilise... vous avez une série de problématiques et dans chacune des problématiques, comment les outils de Google ou d'un autre service qui regroupe beaucoup d'outils variés peuvent vous aider à répondre à ce problème. Ça pourrait être peut-être intéressant. T'as retrouvé, t'as cherché encore sur Google ou Mais je regardais vite fait, mais ça me semble pas. D'accord, bon, bah tant pis. Ok, donc bah, moi j'en ai à peu près... Pas dans les premiers résultats, même sur le .com. D'accord, donc ça ne sert effectivement à rien du tout. Du coup, on va passer à la deuxième actualité. Lucas, c'est toi qui t'en charge et je crois que tu voulais parler de deux choses qui sont en rapport avec Google encore. Oui, alors mais moi je vais vous parler de Google Body Browser. C'est un des nouveaux projets sortis du Labs de Google qui propose en fait de voir le corps humain et de pouvoir le décortiquer complètement, de voir au niveau musculaire, osseux, au niveau des organes et compagnie. Donc ça marche un petit peu comme Google Maps, on peut zoomer, on peut sélectionner les zones, il nous dit c'est quel muscle, c'est quel os. On peut filtrer exactement juste ce qu'on veut voir, enlever tout ce qui est superflu pour nous. C'est super fluide, ça marche nickel. Par contre, le truc, c'est qu'il faut la dernière version de Google Chrome ou la dernière bêta de Firefox, je crois. Et une version de, si je dis pas de conneries, je crois qu'une des versions de Safari aussi le propose. Et donc, en fait, ça a été disponible surtout avec la sortie de la version 9 de Chrome. Ça l'a mis un petit peu en avant. Donc, je pense que vous n'êtes pas passé à côté si vous suivez un petit peu. Nouvelle version de Chrome. Ouais. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si vous avez testé le service, vous. Non, j'ai entendu parler ça fait un moment qu'ils en parlaient, mais non, j'ai pas pu tester ça parce que je suis sous une Firefox classique encore, pas en bêta. Et j'utilise pas Chrome. Moi, personnellement, je t'avoue que c'est. Enfin, j'utilise Chromium, bon, c'est relativement équivalent. Et je l'ai utilisé quand j'ai vu que tu l'avais posté dans les différents projets actualités dont on fait la recherche au cours des semaines. Mais oui, après, là, en dehors de la démonstration technique, il n'y a rien de vraiment intéressant, non ? Non, c'est surtout pour le côté technique, pour montrer l'accélération logicielle. Voilà quoi. Moi j'ai trouvé, je sais pas, c'est le genre de truc qui me fascine. Pouvoir jouer avec le corps humain comme ça, dans ce qu'on veut, on le fait tourner dans tous les sens, on zoome, on dézoome, on appuie sur un muscle, ils nous disent ce que c'est. Je trouve ça génial. Ouais. Non, effectivement. Mais après, je t'ai pas écouté, mais t'as dit si c'était en quelle langue. C'est du HTML5, c'est quoi c'est... Et je crois bien que c'est en HTML5, il me semble. J'affirme pas parce que je sais pas vraiment, mais il me semble que c'est du HTML5. En tout cas, c'est pas du Flash. C'est pas du Flash. Parce que mon Flash bloqueur l'a pas bloqué, donc. En fait, c'est pas du Flash. C'est pour répondre à tes questions. Tu vois vaguement ce qu'est l'OpenGL ? Vaguement, non, mais oui, plus ou moins. Mais ouais. Pour moi, c'est. Oui. Là, c'est l'intégration dans les browsers. Si je dis pas de bêtises, c'est WebGL qu'ils l'ont nommé. Et c'est ça en fait. C'est plus ou moins lié à HTML5, tu veux. C'est tous ces standards-là assez libres. On est d'accord qu'OpenGL, normalement, c'est pour tout ce qui est application, software. C'est pas de la programmation web à l'origine. À l'origine, c'est plus pour la partie graphique. Oui, peu l'équivalent, tu vois, de DirectX, si tu veux. Ok, oui, je vois. Mais qui marche sur tous les OS, quoi. DirectX, ce n'est que pour Microsoft, donc en gros PC, PC Windows avec la Xbox. Ok, donc c'est ça. Voilà. Et ça tourne à merveille sur Chrome, en tout cas. Et donc Chromium, par définition. Ok. Donc belle démonstration technique de la part de Google. William, tu vas enchaîner avec je ne sais pas quoi exactement. Je n'ai pas bien compris. Alors, ça va dépendre. Pas mis peut-être mes trucs dans l'ordre. Alors, est-ce que ce serait les points d'intérêt ? On va essayer avec celui-là. Ah bah, tu fais ce que tu veux. Allez hop, moi je vais le mettre en premier. Donc c'est encore Google, décidément. De toute façon, on s'en sortira pas avec eux. Nous a fait une sorte de comment dire ? Ça serait une notification, un peu une newsletter, mais qui va concerner Google Maps. C'est-à-dire qu'on a un coin, par exemple, je sais pas, dans Paris, les parcs, par exemple, les Tuileries ou le parc Monceau, par exemple. Qu'on souhaiterait savoir quand est-ce qu'il va y avoir en fait une modification de l'image dans Google Maps, quand est-ce qu'ils vont repasser à côté pour mettre à jour leurs images. Et ben on sélectionne tous les points qu'on veut à la manière de Google Maps, donc directement avec les coordonnées ou l'adresse, et en fait on s'inscrit un peu à la manière aussi d'un flux RSS. On s'inscrit en fait, il crée une sorte de flux, et dès que dès qu'il va passer devant, dès qu'ils vont prendre des nouvelles photos et que ça va être mis à jour, eh ben on sera prévenu par email, tout simplement. Donc je trouvais le concept assez sympa, quand il y a des petits coins qui nous intéressent. Après, c'est vrai que ça sera plus comme j'en parlais avec Lucas, ça sera plus sa maison ou ça va tourner autour de ça, ça va. Ouais. Je pense pas que ça va une Ouais, mais moi j'ai grosse déjà mis utilité. ma maison, ma fac, un de mes lieux de vacances, puis voilà, j'attends. Ouais, voilà. Après, Ça va tourner sur ce genre de choses. d'une manière générale, clairement, ce genre d'outil, on l'utilise que pour voir des points relativement. Enfin, on va voir 4-5 endroits dans lesquels on est passé dans notre vie et des points d'intérêt. Et après, basta, quoi. On va pas se balader dessus. Donc, est-ce que le fait d'avoir des notifications pour 4 points qu'on va voir à chaque fois qu'on ouvre Google Maps, Google machin, est-ce que c'est intéressant? Enfin, en règle générale, vous l'utilisez beaucoup, vous? Bah moi, enfin, passer les premières minutes de fascination de pouvoir voyager partout et à chaque fois qu'ils annoncent une nouveauté, aller la tester parce que c'est encore un truc qui me fascine. Non, je m'en sers pas. Je m'en sers pas vraiment. Après, Moi, là, ça envoie un mail quand la photo est changée. C'est pas un truc intrusif et tout, donc c'est c'est vrai que pas c'est pas gênant. mal ça. Et pour le peu d'utilisation, je vais recevoir deux mails, quoi. Un Ouais. mail pour me dire que je me suis bien abonné et un mail pour me dire que la photo a été changée. C'est tout. C'est vrai que la Mais je manière pense par qu'il y a contre. Ouais. un truc intéressant, je te coupe très vite fait, pour pas perdre l'idée, c'est que le truc tout bête de. Allez, on va encore partir là-dessus, mais sur la vie privée, tous ces trucs-là, hein, on va dire, c'est rien que la photo, on va dire, de notre immeuble, notre maison, etc. Juste savoir si, par exemple, je sais pas, il n'y a pas. Tu vois, une fois que la photo a été mise à jour, s'il y a peut-être, je sais pas, ça a été pris au mauvais moment, tu vois, ce genre de choses, bah, au moins, tu es au courant, tu peux prévenir Google, et puis, bah, voilà, ils floutent, ils font tout ce qu'ils ont à faire, mais, tu vois, rien que Effectivement. ça, quoi, pour Ah ouais, éviter j'avais que, pas pensé à ça et c'est franchement un bon point. Quand on voit tous les gens qui se plaignent, qui trouvent que en fait ils étaient en photo dessus 6 mois après et qui sont pas totalement enlevés et ils viennent se plaindre six voilà. mois après, là au moins ils sont tout de suite au courant quoi. Effectivement. Ah, Tu c'est un sais bon. direct quand quelque chose te concerne, ta maison ou ton boulot, ou tu sais que c'est photographié, bah voilà. Ça Elle peut est être. franchement bien vue, je te félicite. C'est vrai que c'est pas Merci. mal, très bonne idée. Mais effectivement, en plus, je trouve que la manière dont ils notifient est quand même pas mal. Parce qu'ils ne font pas que envoyer un lien en disant allez voir, ça a changé. Ils envoient une screenshot, c'est ça? De l'endroit qui a changé. Mais je sais pas parce que j'ai pas encore reçu de mail d'un de mes endroits qui a changé. Mes Mais endroits n'ont pas changé encore. je pense qu'ils envoient un lien parce que comme sur Google Maps, tu peux avoir des liens qui Oui, t'emmènent directement au-dessus d'un point, quoi. Je oui, pense qu'ils voilà, mettent le c'est ça. lien, tu l'ouvres dans le browser. De Et toute donc, façon, Google Earth et ouais. Google Maps sont connectés. Et le truc avec Google Earth aussi, je sais pas si vous avez déjà vu, en fait, on peut remonter dans les anciennes photos. Sur un point, on peut choisir des photos plus vieilles, ils les gardent toutes en Ouais, stock. j'avais déjà vu. Ouais. Donc c'est sympa ça aussi. Donc ça marche avec ça en partie. Mais et le. Est-ce que tu as une idée, parce que du coup c'est ça aussi qui est intéressant, le taux de rafraîchissement, enfin tous les combien Alors justement, quand il t'envoie en fait ton mail de confirmation la première fois, il te précise ce détail-là. C'est-à-dire que ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années D'accord, ben moi, pour je vois la rafraîchir photo l'image. au-dessus de chez moi. La photo au-dessus de chez moi, je crois, elle a 3 ou 4 ans déjà. Ouais. Il Mais manque une c'est. route, il manque un rond-point. C'est encore la campagne, alors que ça s'est pas mal urbanisé depuis. Avant que tu demandes, Mathieu, c'est une volonté hein, de la part de Google ils voulaient pas du tout avoir un truc en temps réel pour pas avoir justement tous les problèmes liés à ça. Ah, Bah, c'était fait exprès d'avoir c'est des une images. volonté, c'est aussi une limite technique, clairement, non? Oui, dans le sens où oui, tu vas pas avoir une caméra entre guillemets qui va Non, filmer mais. presque tous les jours, mais Enfin, la volonté, de toute manière, là, y a aucune volonté de garder une espèce de. Enfin, s'ils pouvaient avoir tous les jours une mise à jour de la photo, ils le feraient. C'est juste qu'ils techniquement, ils Non, peuvent pas le non, faire. non, je te jure, non, parce que justement j'avais vu ce genre de. Je sais plus exactement c'était qui, mais c'était un employé Google ou je sais plus qui avait été. Je crois que c'était les mecs qui s'occupaient de Google Maps et justement ils avaient été confrontés à cette question-là. Et ils disaient que non, bah justement au niveau de la bah, des vies privées, etc., il y a déjà assez de problèmes comme ça avec des images qui datent. Et là, en faire régulièrement, enfin presque entre guillemets instantané, presque imaginons tous les mois, ou renouveler très régulièrement, ça poserait trop de soucis, quoi. D'accord. Bon, c'est intéressant. Je ne savais Puis pas. ça aide pas trop en général. À Ouais. moins que vraiment des routes, c'est vraiment vraiment vraiment construit des nouvelles routes. Mais. Non, clairement. Ok. C'est tout ce que tu avais à dire là-dessus. Allô? Non, c'est tout. Enfin, moi c'est tout aussi. Enfin, c'est tout ce que vous aviez à dire là-dessus. Oui, exactement. Ok, donc alors en fait, on va. Vous a, je sais, c'est William qui a aussi. Mais en fait, il s'est trompé, il n'a pas parlé de la bonne news, donc ça. Il va maintenant parler de la bonne news. C'est ça. Il fallait pas le dire. Si, je le dis. Je laisse pas passer ça, moi. Non, mais c'est pour que les je gens. Je vais passer pour un feignant si je parle pas souvent. C'est pour que les gens qui sont dans la chatroom se disent pas ah, il a f... non, Mathieu a fait n'importe quoi, il a balancé le mauvais lien dans la chatroom. J'étais sur le bon. Ça, ils sont habitués, ça. Mais moi qui mets le lien, qui écrit le lien dans la chatroom, toi tu montres juste l'image, mais moi qui écris le lien, je fais attention à ça. Et ouais, je me suis pas trompé. J'ai galéré parce qu'il a fallu que je le recopie à la main. Non, mais je c'est un travail d'équipe, faut que tout le monde soit derrière. Mais bon, quand tu fais une connerie, mais... c'est qui récupère? C'est nous. Hein. Mais ouais, j'espère qu'on est d'accord que là, c'est les préférences pour les annonces de Google. Où on a vraiment, exactement. On est d'accord. Exactement. Où on a vraiment très mal préparé l'émission, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Non, c'est ça. Okay, mais il ne sait pas lire une wave aussi. Donc, William... Ah non. À mort les waves, ça je le dis tout de suite, j'en peux plus ce service. Ouais, ça va bientôt disparaître. Alors, allez William. Alors ça va être très simple, on reste sur Google, parce qu'on les aime. Alors Google donc, nous propose pas mal de publicités à travers donc, sur les sites ou même directement sur leur moteur de recherche. Et donc ils ont une petite idée, on va dire, ça serait de les personnaliser. Et ce qu'ils vont... Comment ils vont mettre en place, on va dire, cette façon-là, ça va être d'activer un cookie qui va répertorier, ça va être un mouchard finalement, répertorier un petit peu tout ce qu'on va aimer, tout ce qu'il pense et qu'on aime par rapport donc, voilà, à nos visites sur les sites internet, etc. Et pour mieux nous conseiller, enfin conseiller, c'est pas du conseil, mais pour mieux cibler les publicités, pour essayer d'avoir quelque chose qui, quitte à avoir la publicité, autant avoir quelque chose qui pourrait peut-être nous touche un peu plus. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous deux. J'ai expliqué un petit peu mal là quand même, mais je t'avoue que moi j'avais compris, mais en fait oui, c'est ça permet de limiter un peu comme on disait avant l'enregistrement, c'est la moins pire des solutions quoi. Enfin, ça permet de voilà. Ouais, bah, quitte à subir la pub, autant une pub ciblée quoi. Mais par contre, ça pose un problème. C'est que à côté de ça, on va finalement leur dire encore mieux qu'est-ce qui nous plaît. Et je veux dire, justement, tu parlais tout à l'heure vie privée, mais là pour le coup, on leur donne un indice supplémentaire. Ça se trouve, grâce à ça, ils vont dire oh, on fait des pubs encore plus ciblées, vous nous payez plus cher les pubs. Mais d'un côté, clairement, de rien, hein. Demande-toi pourquoi ils proposent ce service. Ouais, je pense que c'est pas juste pour nous faire plaisir, c'est pas et juste, c'est pas voilà. Pour des gentils une fois de plus. C'est évident. Il y a donc le côté marketing qui montre regardez comme on est cool, en plus on vous permet d'un peu sélectionner vous-même la pub et tout ça, et en fait le fond c'est dites-nous vraiment ce qui vous intéresse quoi, histoire que là on n'est même plus à regarder vos recherches et tout ça, là vous allez directement vous-même nous dire ce qui vous intéresse, ce que vous faites sur internet et tout ça quoi. Et là pour le coup c'est carrément l'utilisateur qui va lui-même dire pour éviter qu'il se fasse emmerder après par des pubs qui ne l'intéressent pas ou des trucs qui ne l'intéressent pas. Quoi. Mais moi, après, je sais que par flemme, j'ai rien changé parce que de toute façon, à force d'aller sur le net, je pense qu'on développe un œil spécial qui nous fait éviter toutes les pubs. Donc j'avoue que les pubs, je les vois même plus. Donc je me suis même pas embêté à filtrer un petit peu mieux. Quoi. J'ai enlevé deux trucs, puis ça m'a énervé, j'ai arrêté. Ouais, et puis, ça sert à rien. Adblock fait bien son travail en règle générale. Ah, je suis pas Adblock, adepte d'Adblock. Ah, Adblock est vraiment très très bien. Par exemple, quand on va sur le tiny chat du Dudes Bar, et bah hop, toutes les pubs qu'on retrouve un petit peu partout, à droite, à gauche, là, toutes les bannières, hop là, elles sautent. Moi je bloque juste le flash pour les sites un petit peu lourds, pour pas que ça charge pour rien quoi. Mais il y a que le flash. Donc les pubs qui sont pas en flash, elles sont affichées. Ouais, non, moi je bloque tout et franchement c'est juste extra quoi. Le web est plus propre quoi. Bon. Je vois que ça répond, vous êtes rapide ce soir, c'est bien. Est-ce qu'on enchaîne ou vous avez autre chose à rajouter? Moi, c'est bon. Tu peux parler de la prochaine actu. Ok. Je vais donc enchaîner pour changer avec Google. Donc Google, c'est parfait, je vais montrer à la chatroom des positions de mes deux co-animateurs. En fait, je vais vous parler de Google Latitude. qui ajoute la fonctionnalité check-in. Voilà, donc qui ajoute la fonctionnalité de checking. Donc c'était déjà une, enfin ça fait pas mal de temps déjà qu'elle est sortie cette news. Et en fait, bah, Google fait juste de se mettre à la hauteur de Facebook et Foursquare sur le service proposé, parce que typiquement en fait c'était du service de géolocalisation par signal GPS constant, c'est-à-dire que votre position était constamment envoyée, mais par rapport à votre adresse. Donc il y avait une triangulation et puis c'était votre point qui se déplaçait finalement. Le fait de pouvoir faire des check-in de là où on se trouve, on communique non seulement l'adresse, mais aussi, c'est plus le lieu qu'on communique, c'est-à-dire qu'on va communiquer vraiment l'endroit où on se trouve et qu'est-ce qu'on y fait. Parce que dans une même rue, on sait que parfois il y a plusieurs choses à quelques mètres d'écart des bars différents. On peut être soit en train de marcher dans la rue, soit être dans le bar. Et ben, le fait de faire un check-in, ça va montrer à la personne qu'on est véritablement dans le lieu et ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, c'est juste un apport en plus qui fait que ça devient comme les services Foursquare et Facebook. Ça permet de dire ce qu'on est en train de faire et où on le fait. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter là-dessus ? Pour une fois, je vais laisser commencer par les Williams. S'il y a quelque chose à dire, je dirai mon avis après. Bon, quelque chose à dire sur le service, je sais pas. Parce que moi, j'aime pas trop cette. Bon, déjà, Foursquare, bon, j'étais pas adepte du tout. Bon, Facebook a fait son truc. Je suis encore moins adepte dans le sens où il n'y a même pas le côté jeu qui pourrait me motiver. Ça, c'est juste pour dire où on est. Mm-hmm. Et tous les services le font. Ça devient un petit peu bon. À la limite, l'attitude, c'est vrai que c'est un peu plus normal parce que Facebook, il n'y a aucun intérêt. Je ne vois pas ce que ça fait là. Donc, l'attitude, il y a au moins le mérite que c'est logique. Mais bon, je trouve que c'est pas très intéressant le check-in en lui-même en fait. Alors là, clairement, par contre, je suis pas d'accord sur quand tu dis Google, à la limite, c'est plus naturel, normal. Bah, sur l'attitude, si, dans un service comme l'attitude, où de toute manière, tu as tes positions. Ouais, l'attitude, le principe, c'était de te localiser précisément. Là, c'est le check-in, c'est vraiment pour dire, par exemple, comme ils ont expliqué en fait dans le communiqué de presse, en gros, c'est quand tu es dans une grande surface, on ne sait pas si tu es à droite, à gauche, dans quel magasin. En mettant « je suis à tel magasin », il sait si tu es à tel magasin et quand tu sors, il saura que tu es sorti vu qu'il te géolocalise constamment. Exactement. Non, mais je suis d'accord. Le service se porte plus. Mais moi, Google Latitude, d'une manière générale, c'est un service complètement isolé qui n'a pas vraiment d'intérêt. Je ne vais pas aller le consulter parce qu'il est isolé. Alors, et que... Le côté isolé, peut-être qu'on le retrouve sur d'autres systèmes d'exploitation mobile ou ce genre de choses, mais sous Android, par exemple, quand tu es sur juste ton application Map, donc ton Google Map, tu as différents trucs, par exemple tu peux afficher le trafic, ce genre de choses, et bah directement là-dedans en fait t'as une petite couche qui s'appelle Latitude en fait. T'es pas obligé de passer par une application séparée. Elle y est aussi, dédiée, mais t'es pas obligé d'avoir Latitude séparément. Donc c'est un peu intégré au niveau d'Android. Ce n'est peut-être pas le cas sur iPhone par contre. Ok. Bon bref, moi en tout cas le fait est que je trouve dans mon utilisation de tous les jours, donc oui effectivement j'ai pas d'Android, mais que Facebook, les check-in Facebook ont un apport, moi m'apporte quelque chose. Ça, non mais attends, sincèrement, c'est con, mais je suis tout seul chez moi le soir, je sais pas où sont mes potes, ils font un check-in pour dire qu'ils sont tous ensemble à tel bar, j'ai pas besoin de les appeler un par un pour savoir qu'est-ce que vous faites et tout ça. Eh ben, je vais là-bas et je sais que à tous les coups je vais les retrouver. Donc, mais ça se trouve, ils voulaient pas qu'ils sont déçus de voir. Voilà, le gars. Non, mais. je mets un commentaire. Non, mais typiquement, dans ce cas-là, si vous voulez que j'aille plus loin, je mets un commentaire sur leur check-in. Je mets qu'est-ce que vous faites. Et déjà, je considère que s'ils l'ont mis sur Facebook, c'est que potentiellement ils sont OK pour que tout le monde le sache et que tout le monde puisse les rejoindre. Donc voilà, il y a aussi ça. Et éventuellement je peux leur mettre un commentaire, leur dire vous restez combien de temps, est-ce que j'arrive. Bref, moi je trouve que pour l'utilisation que j'en fais, je fais pas du tout l'apogée de Facebook. Moi le Facebook je l'utilise clairement pour communiquer avec des amis, mais ça va pas plus loin que ça. Mais là pour le coup ça m'est arrivé 2-3 fois de me dire tiens c'est cool de savoir que telle personne est là, parce que ça va me permettre de pas avoir à l'appeler ou de pas avoir à planifier ça parce que je sais qu'elle est déjà là-bas et éventuellement, bah, quand je sais quelqu'un et je sais pas, je vais continuer dans le côté fanboy, est à l'Apple Store du Louvre, je vois qu'il y a un checking, bah, je l'appelle dans la minute et je lui fais bah, tiens, tu m'achètes ça et tu me le rapportes. Et voilà. Donc c'est con, mais ça permet quand même de savoir où sont les personnes et le fait que ça soit intégré à Facebook, comme par définition, j'utilise quand même pas mal de fois dans la journée, on va dire. Je trouve ça intéressant. Mais bref, on va pas reparler du check-in Facebook. Je voulais juste enchaîner. Vous aviez rien d'autre à ajouter là-dessus ou Bah si, moi je vais donner mon avis quand même. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Moi, en grand fan de Foursquare et de Latitude que j'utilise depuis que j'ai mon Android, donc ça fait un an. Donc je sais que Latitude, je m'en sers beaucoup bah, avec mes potes en fait qui sont avec moi à la fac. Ça permet en fait, on sait tout de suite s'il y en a un qui est en retard en cours, bah, on regarde où il est, on n'a pas besoin de lui demander et tout. Donc ça, c'est des petits trucs qui sont pas mal pratiques. Après, on s'en sert pas mal ouais, pour le jeu, pour savoir où on est, pour se faire un petit peu chier aussi. Et le fait des check-in, en fait, ce que j'aime dans les check-in sur Latitude par rapport à Foursquare, pour comparer, Foursquare, n'importe qui peut ajouter un lieu. Donc ça arrive, par exemple, que, bah, un exemple concret, le cinéma où je vais tout le temps, il est affiché deux fois. Ouais. Donc on sait jamais vraiment lequel checker et tout. Donc c'est pas super. Là, on peut pas ajouter de lieu. Les lieux sont ajoutés automatiquement par Google. Si jamais on veut ajouter un lieu, on peut faire une demande, il la traite, il s'en occupe. Mais les lieux, tu ne peux pas les ajouter toi-même. Donc ça permet une meilleure précision. Il y a aussi le check-in automatique. Par exemple, quand il y a une zone où on va souvent, bah, par exemple le cinéma, encore un exemple, à chaque fois que je suis dans la zone du cinéma, je peux régler l'option pour qu'il check automatiquement. Donc juste quand je passe dans le cinéma, eh bien, il me mettra au cinéma, je n'ai pas besoin de m'embêter à le sortir. Je trouve que voilà, donc niveau précision et tout, moi qui m'en sers beaucoup, je trouve ça énorme. Et ouais, donc ouais, voilà, moi ça me plaît vraiment. Après, je comprends qu'il y a des détraqueurs, des gens qui aiment pas du tout le principe. Moi, je sais que Foursquare, je le fais surtout pour le jeu parce que c'est fun. Et Latitude, là, je regarde, j'ai 6-7 amis sur Latitude, donc c'est bon, ça fait pas des masses. Puis c'est pour une utilisation vraiment entre amis, quoi. Par contre, Facebook Play, je ne l'ai jamais essayé parce que j'ai pas installé Facebook sur mon téléphone. Parce que Facebook, je m'en sers pas des masses, donc je pourrais pas dire sur Facebook. Voilà pour mon avis, vite fait. Ok. Non, bah oui, effectivement. Mais voilà, donc en fait, ça dépend déjà de l'utilisation qu'on fait des différents réseaux sociaux. Et aussi, je trouve que de plus en plus, ce genre de service, en fait, est pas mal dépendant du matériel qu'on a en termes de matériel en termes de mobilité. C'est-à-dire basiquement de son téléphone en fait. Si vous allez être sur Android, très rapidement vous allez vous tourner sûrement vers Latitude parce que c'est. Ouais, parce que l'application voilà. Est intégrée. On peut l'activer ou non, mais elle est intégrée de base. Et d'ailleurs, comme tu dis, ça dépend du téléphone. J'ai deux téléphones, donc je switch beaucoup entre mes deux téléphones. J'en ai un qui me géolocalise super bien et un qui déconne complètement. Donc ça, c'est un peu relou par contre. Ah ouais, il y a des écarts, tu trouves, entre les téléphones au niveau de la... Ouais, mais j'ai un téléphone, je crois que mon petit Magic, la puce GPS, je crois qu'elle marche plus du tout parce qu'il me met toujours à deux bornes d'où je suis, c'est pas super. Ok, ouais, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc voilà, ouais, je pense qu'en fait, il y a vraiment ce côté, le matériel qu'on possède qui a une influence aussi sur quel système on va utiliser, voire... le système qu'on n'utilisera pas quoi. Pour continuer dans le côté Facebook, je voulais juste ajouter un petit élément qui est apparu, enfin moi sur ma page Facebook, parce que je sais que les nouveautés apparaissent un peu en décalé suivant les comptes et tout ça. Il y a énormément de nouveautés en ce moment quand même qui arrivent sur Facebook. Moi je sais que je suis en train de la boîte unifiée avec l'adresse @facebook.com. Et tout ça, donc bon, ça je comptais pas en parler. Si éventuellement ça vous intéresse, je sais pas si tout le monde y a accès ou si, parce que je pense que j'ai un compte qui est un peu qui a les nouveautés un peu en avance. Voilà, non, moi une innovation là qui j'ai trouvé pas mal, Facebook qui a intégré Facebook Photo Zoom. Moi j'utilisais un plugin en fait sur Chrome qui permettait de zoomer quand on passait sur une photo, de zoomer automatiquement et de la montrer en plein écran, enfin en grande taille. Là, ils viennent de l'intégrer en fait. C'est on clique sur la photo, elle s'affiche en grand. En termes techniques, il y a rien d'impressionnant, mais je trouve ça bien pratique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes allé sur Facebook depuis une trentaine de minutes. Moi, c'est arrivé il y a une trentaine de minutes. Enfin, non. Non, je suis pas assez accro à Facebook pour rendre compte. Je verrai ça peut-être demain quand j'ouvrirai mon Facebook. Je testerai, je te dirai. D'accord. Et pour le truc de mail, bah, il me semble que l'autre jour, quand j'ai ouvert mon Facebook, on me proposait de rentrer des trucs et tout, mais ça m'a un petit peu gonflé. Alors j'ai zappé, j'ai même pas regardé ce que c'était. Alors j'ai peut-être raté le Ouais. Facebook.me là, mais tant pis. Ouais, non, mais parce que enfin, je sais que c'est pas encore dans, enfin, sur tous les comptes, parce que moi, ils m'ont clairement dit en gros que j'avais tant d'invitations et que je pouvais les distribuer à tant de personnes pour tester les nouveautés du compte unifié. Donc, en gros, bah, simplement, je vais vous expliquer tout ce qui est chat, message privé, mail via l'adresse @Facebook, donc votre adresse, votre prénom, point nom, @Facebook.com. Tout ça qui est unifié dans le même flux et c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Et donc voilà, c'est sympa. Si vous avez l'occasion de tester, bah testez-le quoi. Voilà, Mais voilà. si tu m'envoies une invite, je testerai, même si je sais pertinemment que je ne switcherai pas sur Facebook. Mais je Ça, c'est te. sûr. C'est Parce pour. qu'une adresse mail avec Facebook au bout, pour moi, ça a autant de valeur qu'une adresse mail avec un Hotmail au bout. Mais Je veux dire, ça exactement. n'est pas pro du tout. Je Vraiment comptais, je pas compte. du tout. Non, non, mais c'est pour. D'un côté, ils l'ont bien dit. C'est une adresse qui unifie tout ce qui est, bah, enfin, finalement, ce que tu fais sur Facebook, c'est-à-dire parler avec tes potes tous les jours et assez rapidement, sous forme de. Enfin, que tu sois sur ton téléphone, sur un ordinateur où tu as juste accès à une boîte mail. Dans tous les cas, tu pourras communiquer en passant par soit un compte email, soit ton application iPhone, soit machin, et tout est unifié dans une seule boîte mail. Et tes historiques de conversation sont communs dans un seul flux avec une même personne. Que tu sois Ok. de. Voilà. En gros, c'est Ouais, ça. bah, s'il te reste une invite, je suis preneur. Eh bien, je t'avoue qu'étant donné que vous deux, je vous vois très rarement connectés sur Facebook, j'ai pris l'initiative de déjà filer les autres invitations. Donc je suis Eh bien, c'est désolé. pas grave. Alors que moi, je suis souvent connecté. Je suis pas connecté sur Facebook, mais le chat est connecté en externe. Ah, mais je te vois très rarement. Bon, bref. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis désolé, éventuellement, si j'en ai des nouvelles, je vous les passerai. On va enchaîner bah, avec la section projet, parce qu'on a déjà fait pas mal, une bonne demi-heure là, sur l'actu et on a énormément de projets. On prend notre temps, mais il y a pas mal de choses. Donc c'est parti pour la section projet. Et c'est Lucas qui commence avec un site imprononçable, donc je vais pas essayer de le prononcer. C'est facile, ça se prononce wallpaper, je pense, vu que le principe du site, c'est de partager un wallpaper différent tous les jours dans un petit peu toutes les tailles d'écran. Donc hop, je mets le lien dans la chatroom. Donc ça s'écrit wlppr.com, donc comme wallpaper, mais sans les voyelles. Donc en général, les images sont plutôt sympas. On peut remonter toujours en arrière, retrouver les anciennes photos. Il y a quasiment toutes les tailles d'écran, même pour iPhone, iPad et iPhone 4 même. Il n'y a pas de taille spéciale Android, c'est dommage. Mais voilà, je sais que c'est un site que je trouve sympa. Je passe tous les jours voir les fonds d'écran. Bon, en général, ils sont plutôt pas mal. Voilà, vite fait, bien fait. D'accord. Et Pour avoir des fonds d'écran, tu devrais utiliser Bing. Mais en fait, mes fonds d'écran, j'ai un autre site aussi pour les fonds d'écran. Mais je vais le mettre, je vais vous le donner aussi, tant qu'à faire. Et celui-là, il est encore plus complet vu qu'il permet de. Et un autre qui permet en fait de trier les fonds d'écran par taille, par thème, même par couleur, qui permet aussi de récupérer par ratio d'écran. Donc c'est wallbase.net celui-là. Et il est juste monstrueux aussi. Là, je sais qu'en fait, je me suis acheté un nouvel écran, un deuxième, un 22 pouces. Donc, il a fallu que je retécharge une quantité de fond d'écran parce que j'aime bien changer régulièrement, toutes les 15 minutes. Et donc, je me suis refait une petite base. Donc, ça m'a permis de retrouver un petit peu mes sites. Mais Voilà. si tu veux, Donc, deux super sites. il y en a un super sur wallpaper.com justement. que je viens de trouver, c'est celui du... HTML5. Du HTML5, c'est ça. Et donc la... l'écriture. C'est ça. Mais je ne savais pas que vous suiviez en fait le live en vidéo. On t'espionne. C'est celui... j'arrive pas à voir la date. Bon, tant pis. En tout cas, ouais, il y en a un très bien HTML5. Je suis sûr qu'il te plaira et qu'il sera très bien pendant 15 minutes sur ton écran dans ta journée. Bof, bof, bof. Je ne suis pas trop pour mettre des logos de pub. Moi, tu vois, j'ai même pas de fond d'écran Apple comme toi, tu vois. Regardez dans la chatroom. Est-ce que ça, c'est un fond d'écran Apple? Bah, c'est parce que t'as changé. Tu l'as gardé au moins 3 mois, ton fond d'écran natif de base. La Super Galaxy de Snow Leopard. Bah, clairement, avec le double écran, ça faisait vraiment, vraiment beau. Il n'y a rien à dire. Bah, moi, étant donné que c'est le fond d'écran de base, je l'aime pas. Il pourrait être beau, je l'aime pas. Ah là là. Même, c'est pareil, quand j'arrive sur Windows, la première chose que je fais, c'est changer le fond d'écran. Et ça, c'est votre... Moi, c'est un terminal, monsieur. Oui, mais toi, t'es bizarre. T'es comme on-off sur la chatroom, lui non plus, il a pas de fond d'écran. Je suis comme on-off, ouais. Vous êtes des mecs bizarres. Ouais, ça, c'est un peu votre côté. On refuse tout ce qui est imposé, tout ce qui est... tout ce qui est joli. Ouais, ils aiment pas ça. Ce qui est joli. Ah là là, les programmeurs. Voilà. Enfin, est-ce que vous aviez d'autres sites à proposer sur les wallpapers? Non, moi c'est tout. C'est les deux gros que j'utilise. Voilà, c'est wallpaper.com et wallbase.net. D'accord. William, tu enchaînes avec Twitter Friends Network Browser. Ouais, je dois dire que Onoff dans la chatroom a de très bons goûts. Pourquoi ? Il dit qu'il passe le fond d'écran en noir, hein, tout en noir, et qu'il met le style Windows classique avec les menus en gris. J'aime oui, celui qui pique les yeux tellement il est carré. C'est ça. Exactement. J'approuve. C'est magnifique. Ouais, j'avoue qu'il est quand même beau. Mais le fond d'écran noir, moi j'aime profiter que j'ai une grosse résolution. J'aime avoir une image très fine en fond d'écran. Même si je la vois pas beaucoup avec mes 50 fenêtres qui sont constamment ouvertes. Mais ça me fait plaisir. Bon, je vais me lancer sur mon sujet. Alors, ça va être un sujet par rapport à Twitter. Donc, il y aura quelques petits défauts. On en parlera avec Lucas parce qu'on en a déjà parlé juste avant d'enregistrer l'émission. Donc un petit service qui tourne autour de Twitter qui va permettre, alors, si je tape par exemple Only Mathieu, de pouvoir visualiser, alors on ne sait pas exactement comment il fonctionne, donc il prend je pense peut-être aléatoirement ou peut-être les plus connus des contacts, donc il en fait toute une sphère, donc on peut le voir aussi dans la chatroom en live, et une fois qu'on clique sur, par exemple je vais cliquer donc Only Mathieu, tu as UMP, cliquons dessus. Et ben quand tu cliques, ça te permet d'avoir un second cercle qui s'ouvre et en fait on a des liens au fur et à mesure qui s'enchaînent. Vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là. Ouais, toujours là. J'entendais plutôt de bruit, j'ai eu peur. Et donc voilà, en fait, ça permet d'avoir un petit peu comme les grands tableaux avec vous savez, les punaises et les fils qui passent d'une image à l'autre, par exemple. Tous ces tableaux-là qu'on peut voir. Et bien voilà, ça va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que tous nos followers, followers vont se lier. Et donc, on peut remarquer... Mais je crois que c'est plutôt les following. Désolé de te couper, mais je crois que c'est plutôt les following puisque je viens de regarder sur mon compte. Et là, je regarde en fait en mettant Lucas, j'ai décoché le new only. Il me met quand même en gros mes 15 derniers following. Et pour la plupart, qui ne m'ont pas follow back. Donc, c'est plutôt les following que les followers. Following, d'accord, que je ne dise pas de bêtises alors. Mm-hmm. Et donc, le problème qu'on disait avec Lucas, c'est que... il va pas recouper les informations, c'est-à-dire que des fois on va pouvoir se retrouver dedans. Ah oui, d'accord. Donc voilà, donc déjà on va se retrouver dedans, mais par exemple, je prends moi. Donc je vais cliquer sur Lucas, il va me proposer Only Mathieu et Comfis. Je vais cliquer sur Comfis, Comfis va me reproposer Only Mathieu. Donc j'aurai Only Mathieu deux fois. Et si je clique sur les deux Only Mathieu, ça va pas le fusionner ni rien, il va me rouvrir deux fois le même rond. Donc à partir de là, c'est un petit peu dégueulasse très très rapidement. Et c'est ça qui est dommage. Après, au niveau de l'interface et tout, c'est joli, mais c'est tout, quoi. Ouais, ça doit pas non plus être très très compliqué à corriger comme problème. Enfin, ils vont sans doute le modifier rapidement. Enfin, non, je pensais pas. J'en ai strictement aucune idée. Bon, je pense pas que ça doit être dur à faire, mais c'est vrai que j'ai du mal un petit peu à comprendre en fait l'intérêt du site, si ce n'est avoir une petite visualisation. débat des liens qu'il peut y avoir justement entre dans la communauté, mais je pense que généralement on n'a pas trop besoin de ce genre d'outils pour s'en rendre compte rapidement, quoi. Ouais, c'est un peu dans la mouvance des trucs. Qui mais voilà, c'est mettre de façon graphique un petit peu ce genre d'information. C'est vrai que c'est Twitter qui a, comment dire, qui est très dans cette mouvance-là, effectivement. Oui, on a eu pas mal de choses sur, par exemple, les tweets sur tout qui arrivent de partout sur la grande map. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est dans l'air du temps. Mais là, par rapport à ce site, j'avais un truc, moi, sur Facebook qui était équivalent, mais qui était en fait beaucoup mieux. Ça me mettait des points et ça me liait exactement tous mes amis, donc ils étaient liés entre eux par des traits. Donc pour voir avec qui ils étaient reliés, en gros, ça présentait plusieurs groupes d'amis. Et par contre, il y avait des manières de trier. On pouvait mettre un mode, espèce de mode galaxie, donc ça faisait des points blancs sur fond noir en forme de cercle, avec plusieurs cercles pour les groupes d'amis et tout. Là, par contre, c'était sympa, ça permettait de vite visualiser. Là, je pensais retrouver ça, en fait, et puis en fait, mais pas du tout. Donc Ouais, je trouve ça après dommage. ça peut aussi être. Enfin, bon, moi je m'en fous. Enfin, c'est pas spécialement dérangeant pour moi, mais je pense qu'il y a des gens que ça peut déranger le côté je gère ma communauté d'amis un peu comme du comme enfin je sais pas comment dire comme des points et des traits sur une image et que faut essayer d'avoir le plus gros réseau et le plus. Enfin, c'est pas je sais pas c'est un peu tiens lui je dois le suivre parce qu'il fait partie des personnes qui que d'autres suivent. Bah, c'est le piège qui arrive sur ce genre de service, Ouais, finalement. voilà, mais C'est ça qu'on est peut tenté, hein. éventuellement Bon, de toute façon, déranger la certaines course aux personnes. followers, ça existe déjà, hein, on va pas la changer. Ouais. Mais bon, c'est un peu Mais bon, le. c'est pas un site qui permet de visualiser le nombre de followers, donc c'est bon. Non, je suis d'accord, mais ça peut engendrer ce problème de il faut de toute manière que cette personne tu la follow parce que tu follow telle personne, telle personne, telle personne, et que ces trois personnes-là follow aussi cette personne-là. Enfin bref. Ouais, les suggestions. Bon, après, hein, c'est à toi de suivre ou pas. Moi, je sais que les suggestions, je les lis même pas. Ouais, voilà. Ouais, non, pareil. Mais typiquement, c'est un peu le même concept là, ce site-là. Enfin, plus ou moins. Mais il y a eu aujourd'hui, de toute manière, j'ai décidé de tout critiquer et de rien laisser passer. Donc, je finis sur ce projet-là en disant qu'en plus, c'est en flash. Et alors ça. Ouh là là. Alors ça, c'est vrai que c'est très très mauvais. Ça, c'est un Eh argument qui peut tuer un projet pour moi. oui. Rien. Donc, il faut qu'il recode tout en HTML5, sinon on ne dira pas que le projet est bien dans les projets du web. Voilà. C'est tout pour ce projet ou il y a autre chose à ajouter? Moi, j'ai rien à ajouter, perso. Non, c'est bon. Ok, bah je vais enchaîner avec un petit site dont je voulais vous parler bah depuis que je l'ai connu. En fait, je me suis dit, alors ça c'est cool. Oh bah en plus, l'objectif du jour est génial. Je pense qu'une grande partie d'entre vous le connaissent. Ça s'appelle Groupon.fr. Ça commence à faire pas mal de temps qu'il est sorti et quelques bons mois qu'il se fait connaître, mais grandement, et qu'il explose. Je vais juste expliquer pour les gens qui ne connaissent pas le concept. En fait, ce site-là se met en partenariat. Je ne sais pas si on peut appeler ça un partenariat, mais en fait, des organismes ou enfin des restaurants, là on a comment on appelle ça, un salon de sport. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, une salle de sport ou Fitness un peu voilà en. de fitness. Donc voilà différents services. Des entreprises qui proposent leurs services en masse à Groupon, qui dit bah tiens, Groupon, tu vas me vendre, je te donne tant de places que tu peux me vendre à moins 50%, et tu as un jour pour faire ça. Et en fait, c'est pour non seulement faire parler donc de l'entreprise qui veut vendre son produit, et en général, c'est des entreprises qui montent leur affaire et qui veulent se faire connaître rapidement avec des offres choc, et en même temps Groupon qui prend sa petite marge ou son truc, et en même temps le consommateur qui lui s'y retrouve énormément, parce qu'en général c'est vraiment la réduction maximale possible, parce que bon, je rappelle qu'en France on n'a pas le droit de vendre à perte, mais du coup il y a des choses parfois c'est à la limite du on se demande comment ils font, parce que c'est des réductions énormes qui vont jusqu'à Excusez-moi pour le téléphone. Oh, fail, c'était pas beau ça. C'est pas professionnel du tout. Ah, ouais. Ah, même ouais. Moi, mon téléphone, vous l'avez pas entendu une seule fois. Ah, mais alors là, mon téléphone fixe, je vais avoir un peu plus de mal à l'éteindre. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, voilà. Donc, tout le monde s'y retrouve. Et puis, ça recommence, le téléphone. Donc, je vais recouper encore une fois. Voilà. Donc, des réductions qui sont énormes, vraiment. Ça va, là, par exemple, sous les yeux, j'ai le deal du jour qui est objectif bikini réussi à l'Espace Club. Donc, c'est dans la région de Reims, apparemment. Pour 19 euros, une réduction de 75% et ça va jusqu'à 90% en règle générale. Donc c'est vraiment, vraiment énorme. Essayez quoi, parce que tout le monde s'y retrouve dans l'histoire. Et voilà, moi j'ai déjà essayé pour un restaurant dans la région de Reims, justement. Est-ce que vous l'avez déjà essayé, William ou Lucas ? J'ai pas eu l'occasion encore de le faire, mais j'ai du mal à comprendre comment ils gagnent finalement de l'argent. Enfin, comment ça fonctionne finalement ? Comment ils arrivent à se débrouiller pour gagner de l'argent ? Alors, pour que l'entreprise en gagne finalement, parce qu'ils donnent ça gratuitement. En fait, j'imagine que ça doit fidéliser certaines personnes, mais je pense qu'il y a une grosse majorité qui suivent juste les groupons et qui après ne continuent pas. Quoi. Pour faire simple, moi, comme je l'ai testé et que je me suis dit, je veux aller faire l'enquête d'investigation jusqu'au bout, le jour où j'ai testé, c'était dans un petit restaurant, enfin, tout petit restaurant qui venait d'ouvrir, qui proposait des box en fait de pâtes pour pas citer le nom et qui venait d'ouvrir donc en centre-ville. Pour faire simple, je suis allé donc dans ce restaurant, j'avais acheté je sais plus combien de tickets, on est allé avec des amis et ça nous a coûté c'était ridicule, ça nous a rien coûté du tout. Je suis allé parler en fait avec le restaurateur qui m'a dit que en fait sa boutique était ouverte depuis à peu près de un mois et que pour des offres de lancement il avait contacté Groupon qui lui a expliqué qu'il faisait ça très souvent. Donc en fait c'est des offres de lancement où Groupon récupère fournit une centaine de places à peu près à des gens de la région à des prix imbattables puisque en fait le restaurateur nous a expliqué qu'il ne faisait aucun bénéfice sur ces ventes-là, mais qu'après, comme c'était sur la durée et qu'il jouait sur la qualité, il se disait que les consommateurs allaient pouvoir parler autour d'eux et que les consommateurs reviendraient suite à ça et que c'était un peu un coup de buzz pour faire parler de lui. Et parce que pour attirer la clientèle, franchement, il n'y a pas 50 000 autres solutions. Donc voilà. Et puis, d'accord, il y a le côté médiatique qui est très rapide via Groupon, parce que si la personne décide de faire ça tout seul, il va afficicher moins 90% sur son magasin. Ça va attirer les gens qui passeront devant le magasin, mais ça ne va pas faire autre chose. Devant le magasin, c'est pas des magasins, mais le restaurant en l'occurrence. Là, le fait que ça soit sur Groupon et le fait que ça soit sur des durées assez limitées, très rapidement, ils écoulent les stocks, ça fait une espèce de buzz, les gens en parlent. Et voilà, donc vous avez un deal par jour par ville sélectionnée. Vous avez, et puis ça te permet de tester aussi les trucs à moindre frais, ça c'est pas mal. C'est ça, et clairement, moi je l'ai utilisé qu'une fois, je le referai, je pense, assez souvent. Il y a beaucoup de choses qui sont consacrées aux filles, donc ça c'est vrai que c'est pas. Enfin bon, c'est. Du coup, tu attends le lendemain et tu regardes ce qui tombe le lendemain dans ta ville. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses de fitness, de perte de poids, de machin. Mais par exemple, la dernière fois, j'ai vu un saut en parachute pour 15 euros, quoi. Au lieu de 100 euros ou quelque chose comme ça. Ah, un saut en parachute à 15 euros, je veux bien. Voilà. Donc, non, mais clairement, c'est juste fou. Alors, allez y jeter un coup d'œil. Vous rentrez, vous inscrivez, vous sélectionnez votre ville et... Et puis en plus, bon, moi j'ai décidé, alors c'est relativement rare, je déteste les donner mon adresse email et recevoir des lettres, mais là en gros je reçois un courrier par jour pour me dire quel est le deal du jour. Et franchement, c'est pas trop désagréable, quoi. Donc voilà, ça permet d'être pas mal. Mais moi ce qui m'a vraiment déplu sur ce site, donc je vais te dire, c'est que quand on ouvre le site, il y a une espèce de faux pop-up qui se met et on peut pas accéder au site si on donne pas notre adresse email et qu'on clique sur voir le deal du jour. Et donc c'est pour ça en fait je l'avais jamais lancé. La première fois que ça m'avait fait ça, j'avais pas voulu. Voilà, j'ai Ouais. mis une adresse bidon. J'ai mis l'adresse qu'il propose, donc exemple.jean@adresse.fr. C'est passé. Mais je trouve ça, ça se fait vraiment chier, quoi. Quasiment obligé de donner son adresse juste pour voir le deal, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc qui me rebute. Ouais, mais c'est clair Mais après, que... si tu me dis que ça vaut le coup, je pense que je passerai voir une fois de temps en temps quand j'ai rien de prévu, voir s'il y a un truc intéressant. Ah mais clairement, enfin, je vous promets, c'est impressionnant. Il y a des deals qui même je me demande si parfois ils vendent pas à perte parce qu'il y a des montants. J'ai vraiment rarement vu ça sur Internet. Donc voilà, ça s'appelle Groupon.fr et c'est super sympa. Autre chose à ajouter? Non. Moi, rien à ajouter, moi. Ok. Bah je vous laisse. Je vous laisse enchaîner avec. Bah c'est Lucas qui enchaîne avec. Je ne sais pas ce que c'est. Tifury, ça Tifuri, voilà, s'appelle c'est ça. Tifury. Donc, pour rester dans les offres d'une seule journée, c'est Tifury. C'est un site qui propose chaque jour un t-shirt. Et donc, un t-shirt à chaque fois, un design différent, un design un peu geek, avec pas mal de références. Les t-shirts sont vraiment pas chers. On s'en sort avec l'envoi long pour 14 euros. Je m'en suis sorti pour 14 euros. Les t-shirts sont de bonne qualité. Les designs sont plutôt sympas. Moi, je m'étais pris un qui était en hommage un peu à Batman Dark Knight avec la fameuse phrase du Joker, Why so serious? Avec le visage du Joker. Et ouais, le site est bien foutu, c'est propre, c'est pas cher. Donc ça vaut le coup. Et il y a pas mal d'autres sites que j'ai découvert en fait au fur et à mesure dans ce style-là. Donc il y a par exemple QWERTY aussi qui propose pour plus ou moins le même principe mais sur une durée de 3 jours par contre. Donc voilà. Après je sais pas si vous connaissez d'autres sites, moi j'en ai repéré 2-3, je les ai pas tous notés. Mais voilà. Ouais, bah éventuellement, je t'avoue que là, j'en ai pas sous la main, mais on pourra ouais, éventuellement dans les prochains épisodes vous redonner des sites de temps en temps qui font ce système-là. Mais c'est clair que enfin, le système de c'est l'offre du jour, dépêchez-vous, prenez-la, ça a toujours quand même son effet. Et on se dit, putain, c'est quand même fou, je vais peut-être passer à côté et je pourrai plus jamais revenir en arrière. Je sais pas sur Tifuri si c'est aussi. C'est une fois que c'est passé Ouais, une fois que c'est passé, c'est passé. Donc j'en D'accord. profite d'avoir la parole pour rebondir. The Bully qui vient d'envoyer un lien, tmagnet.com. Il est énorme. Et effectivement, ah d'accord, il récupère, d'accord, il récupère tous les sites qui proposent ce Ouais. système-là. D'accord, ben, je vais le mettre tout de suite dans mes favoris, comme ça j'aurai pas C'est à juste checker énorme. Là, tous les déjà rien que sur sites. la page, on voit Tifuri, on voit QWERTY. Ouais, parce que jusqu'à maintenant, je checkais les sites un à un à chaque fois, tous les jours. Mais là, pour le coup, ben, c'est tranquille. Celui qui est mis en avant sur Ripped Apparel et Shirtwood, et ils sont énormes. Oui, surtout celui de Ripped Apparel. Donc pour ceux Ouais. qui ne voient pas, c'est le logo de Jurassic Park avec écrit à la place de Jurassic Park Retro Gaming et en ombre noire à la place du T-Rex, c'est Sonic. Ouais, c'est trop énorme. C'est Et magnifique. c'est juste énorme. Il me donne envie, là, tu vois. Je vais peut-être prendre ma carte là. Ouais, il me donne envie aussi, mais je On pense pas craquer va quand même. voir. Ouais, juste pour revenir sur le côté des sites comme ça qui proposent des offres à court terme, là où c'est encore plus présent et important sur là le genre de site de t-shirt, c'est quand même que ben, on recherche, enfin c'est relativement souvent le cas des gens de rechercher un peu l'originalité et le fait l'exclusivité en fait et le fait que ben, ça, tout le monde ne va pas l'avoir et se dire que ben, il y en a eu que pendant un jour que ça s'est vendu. C'est toujours aussi appréciable, je pense, pour le consommateur de se dire bah, j'ai eu quelque chose qui est passé qu'une seule journée en vente et qui est assez unique, quoi. Je sais pas si vous aussi, il y a ce côté-là qui rentre en jeu dans le. Bah ouais, plus ou moins quoi. Pas spécialement la rareté de la chose, mais l'originalité, oui, ça c'est indéniable, hein, monsieur, monsieur. Puis Ouais, il y a le mais. côté aussi, on n'a pas vraiment le droit d'hésiter parce que si on Ouais, laisse voilà, non. passer, ben c'est passé. Ça, c'est vrai que c'est le défaut, quoi. Faut y aller. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que généralement, alors, si les motifs existent, on va dire, ailleurs, où on a moyen de les avoir directement avec la personne ou ce genre de choses, après, avec des trucs comme Spreadshirt, ça reste assez simple de, entre guillemets, le faire pour soi-même, quoi. Ouais. Si vraiment Ouais. le design, disons, nous tenait à cœur, quoi. En général, je crois qu'ils gagnent, je crois qu'ils gardent le design de côté. En fait, ils font une galerie pour montrer un peu tout ce qu'on a raté, pour nous dire, si tu veux les prochains super, reste connecté. Ouais. Ok, ok. Bon, c'est pas que je veux écourter. Pour répondre à Onof, moi pour T-Fury, j'en ai eu pour 14 euros, frais de port compris. Traverser l'Atlantique, j'ai pris l'envoi long en fait. Donc c'était j'en ai eu pour 3 semaines, c'est annoncé entre 4 et 5 semaines sur le site. Donc 3 semaines après, j'ai reçu mon t-shirt pour 14 euros. Ok, ok. Donc oui, je disais, je suis désolé, on va devoir écourter un peu parce qu'on ne rentre plus trop dans les 1 heure de podcast. Là, on a déjà dépassé l'heure. Est-ce que rapidement, vous voulez quand même parler des... Il nous reste 2 projets. William et Lucas, il vous reste un chacun. Est-ce que vous pouvez le faire en... On va essayer de faire un nouveau système. Moi, je ne peux pas. Chrome Experiment, je ne peux vraiment pas. D'accord. Alors, à la limite, je préfère le garder pour la semaine prochaine. Comme ça, je le teste encore plus. Okay. Je vous mets juste le lien si vous voulez tester, mais moi, clairement, là, en 5 minutes, je n'y arriverai pas parce que je pourrais passer une demi-heure dessus, en fait. Ok. Et oui. Alors, moi, j'ai quelque chose à proposer. Alors, je n'ai pas vu le dernier lien que tu m'as passé, parce que là, je ne l'ai plus dans mes bookmarks. Mm-hmm. Mais je peux le remplacer par un autre site que j'ai découvert récemment. Allez, vas-y. J'ai osé regarder la télé une fois sur la BBC World News et j'ai trouvé ce truc-là. T'as 1 minute 30 pour parler de ton petit projet. Donc fais-le. Alors, attends, je l'écris dans la chatroom. Niv.com. Neave.com. C'est un site qui... Alors attention, ça va vous faire perdre du temps. Ça va être un site déjà qui, au niveau design, est très, très plaisant. Il joue beaucoup sur donc, les jeux, les sons, les vidéos. Donc là, déjà, rien qu'en passant sur toutes les petits les catégories, et ben on a des petits sons, on peut s'amuser avec ça, on peut passer déjà des heures à faire des petites gammes de sons, et ensuite on a pas mal de petits jeux. Moi j'ai testé par exemple les vidéos et les jeux, et sur les jeux, bon, vous voyez des choses basiques, hein, il y a les morpions, mais on peut faire d'autres choses. Les vidéos, enfin c'est un peu bizarre, là. Il y avait un Ronald McDonald qui passait dans un fast-food qui ressortait avec un mec asiatique, bon voilà, c'est des trucs, c'est un peu bizarre. Mais j'ai adoré ce site, on passe du temps à rien faire. Alors oui, on off, c'est flash, malheureusement. Mais c'est vrai que pour ce genre de projet, c'est un peu difficile de le faire en HTML5, okay. Malheureusement. Ouais, effectivement. Donc je sais pas si vous avez vu un petit peu, là je voyais par exemple des fractales, ce genre de choses. Donc c'est vraiment sur le côté design, aussi bien sonore que visuel. Et je trouve ce site super bien réussi, il est magnifique. Et on perd énormément de temps, voilà, on se balade, on s'amuse avec les... Avec tout et n'importe quoi, les sons, on clique un peu partout, Effectivement, c'est super pour passer le temps. Du coup, je suis en train de découvrir. Je ne vais pas essayer d'aller trop dedans parce que j'ai peur que de la musique se lance ou que quelque chose se lance. Mais je découvre rien que la page d'accueil, le fait de passer sur les trucs, on voit des images et tout, il est super beau. En termes de design, ça m'a l'air super beau. Ouais, là, je viens de tester, ouais, j'avoue, c'est énorme. Alors, je testerai ça ce soir, je pense, en rentrant là. Vous me donnerez votre avis alors là-dessus. Ouais, ok, ok. Bon, c'est ce qu'on appelle un test express. Et du coup, on vous fera un retour dans le prochain épisode. Après avoir testé, on pourra en reparler plus. Et du coup, Lucas qui aussi nous parlera de Chrome Experiments. Parce que là, on arrive à 1 heure de podcast. Et du coup, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission de ce type-là, donc on était peut-être un peu perdu. On a peut-être eu des longueurs sur certains points. On va essayer de retrouver un peu nos habitudes. Mais toujours, du coup, vous pouvez nous laisser vos commentaires sur notre site www.lesprojetsduweb.fr ou sur iTunes. Le compte Twitter aussi, c'est Les Projets du Web tout attaché. On est aussi présent sur Facebook. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous faire encore et toujours un maximum de retours possibles pour qu'on puisse améliorer les émissions au fur et à mesure. Donc voilà, merci William et Lucas. On se retrouve dans 2 semaines si tout se passe bien. Ok, dans 2 semaines. Hein. Ok, ok. Bon. Ça marche. Mais tu ne seras pas en vacances au long de 2 semaines, comme tu nous as fait chier au début. Non, j'ai qu'une semaine de vacances, donc normalement je serai ça va, alors. De retour. Donc voilà, ça va. Merci encore à vous deux. Merci à la chatroom. Et puis, donc, on se retrouve dans 2 semaines. Salut. À dans 2 semaines. Salut tout le monde.